Moi, je le vois comme ça. Ça me fait penser un peu à Saint-François d'Assise. Encore une initiation astrale abominable. Abominable. Du monde, il aime tout le monde, mais il s'aime pas, on dirait. Bon, il ressent l'amour divin, mais oui, mais. Après, il y a des phénomènes d'idéoplastie, il y a des phénomènes de pluie comme Saint-François, c'est le premier qui aurait reçu des stigmates. Mais d'un point de vue historique, c'est pas normal qu'il y avait les trous là. Donc, il y a quelque chose d'idéoplastique, c'est lié à l'astral. Bon, ça, c'est mon opinion, là.